Oui, mais c'est pas grave, j'avais pas d'inspiration, alors voilà. J'arrivais pas à faire un truc sympa. Thank you. voulu me prendre pour une blonde. J'étais en train de réfléchir. Ouais, c'est un do au sol. Je croyais que tu disais tu le I love you. Comment ça marque? Mais non. C'est un yokushi quand tu fais du judo, t'as le dos au sol. Qu'est-ce qu'elle vient faire ta femme là-dedans? Tu nous expliques? Putain, c'est quoi? Ça ne va pas, je sais que j'ai pas. We'll be right back.